hambe mutabu e bwaloti. Ana tuksembe. Onze sija. Mwa benela mbose la. Kelu mojo mbache. Ngayi. Construis des maisons. Touche même la lune. Dépasse le monde. Collectionne les femmes. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Le jour de ta mort, tu n'apporteras rien. Quoi que papa c'est déjà, à coup de main. Chama Salomon, comme de Bamwinzi. Sous les jagues-pots, on a la moussela, moussela. Sous les jagues-pots, on a la moussela. Sous les jagues-pots, on a la moussela, moussela. Sous les jagues-pots, on a la moussela. On a la moussela, moussela. Sous les jardins, on a la moussela. Sous les jardins, on a la moussela, moussela. Sous les jardins, on a la moussela. Le jour où on mange le chien qu'on attrape la rage. Ce jour arrivé, tu n'emportes rien. Rien mon frère. Je dis bien. Rien.